Chapitre 2e, le long du câble. Il s'endormit à côté d'elle après une longue insomnie où son anxiété se calmait peu à peu au rythme doux et régulier qui marquait la respiration de la jeune femme. Quand il se réveilla, assez tard dans la matinée, Dolores, penchée sur la rivière qui coulait le long de la colline, y baignait ses beaux bras et son visage. Elle avait des gestes lents et toutes les aptitudes qu'elle prenait pour essuyer ses bras, pour aplanir ses cheveux sur sa tête et les boucler autour de son cou, était harmonieuse et grave. Comme Simon se levait, elle emplit un verre qu'elle lui apporta. « Buvez, » dit-elle. « Contrairement à ce que je croyais, c'est de l'eau douce. Cette nuit, j'ai entendu nos chevaux qui s'y abreuvaient. » « L'explication est aisée, » dit Simon. « Les premiers jours, les rivières des anciennes côtes se sont infiltrées un peu partout. Jusqu'au moment où leur flux grossissant, elles ont dû se frayer un nouveau chemin. D'après la direction que celle-ci paraît suivre, et d'après son importance, ce serait une rivière de France, sans doute la Somme, qui désormais se jetterait dans la mer, entre le Havre et Southampton, à moins que... » Il n'était pas sûr de ce qu'il avançait. En réalité, sous le voile implacable des nuages, toujours immobile et très bas, n'ayant plus sa boussole qu'il avait remise distraitement à Antonio, il ne savait comment s'orienter. Se guidant la veille au soir sur la piste d'Isabelle, il hésitait à s'aventurer d'un côté plutôt que d'un autre, maintenant que cette piste était perdue et qu'aucun indice ne lui permettait de la chercher d'un côté plutôt que d'un autre. Une découverte faite par Dolores mit fin à son hésitation. En explorant les environs immédiats, la jeune femme avait aperçu un câble sous-marin qui traversait le fleuve. « À merveille, » dit-il, « le câble vient évidemment, comme nous, d'Angleterre. Suivons-le et nous irons vers la France. En cours de route, et sûr d'aller dans le même sens que nos ennemis, nous finirons bien par recueillir quelques renseignements. » « La France est loin, » observa Dolores, « et nos chevaux ne pourront peut-être pas marcher plus d'une demi-journée. »« Tant pis pour eux, » s'écria Simon, « nous achèverons l'étape à pied. L'essentiel est de gagner les côtes françaises. Partons. » À 200 pas de distance, au creux d'une dépression, le câble surgissait du fleuve et filait droit jusqu'à un banc de sable, après lequel il reparaissait, comme ces chemins dont on aperçoit les tronçons au milieu des plaines inégales. « Il vous mènera jusqu'à Dieppe, » leur dit un rôdeur, un Français que Simon avait arrêté. « J'en viens, moi. Vous n'avez qu'à le suivre. » Ils le suivirent silencieusement. Compagnie taciturne, ne disant que les paroles indispensables, Dolores semblait toujours absorbée en elle-même, ou soucieuse uniquement des chevaux et des détails de l'expédition. Quant à Simon, il ne s'occupait pas d'elle. Chose bizarre, il n'avait pas encore eu l'impression, même passagère, de ce qu'il y avait de singulier et de troublant dans l'aventure qui les unissait l'un à l'autre, lui jeune homme et elle jeune femme. Elle demeurait l'inconnue. Sans que ce mystère fût pour lui un attrait spécial et sans même que les paroles énigmatiques d'Antonio lui revinssent à la mémoire. Quoiqu'il se rendit bien compte qu'elle était fort belle, qu'il éprouvait à l'occasion plaisir à la regarder, et qu'il sentit souvent les yeux de Dolores se poser sur lui, cela ne prenait pas une seule de ses pensées et ne se mêlait pas un seul instant aux réflexions ininterrompues que lui inspirait son amour pour Isabelle Wakefield et les dangers que courait la jeune fille. Ces dangers, maintenant, il les jugeait moins redoutables. Puisque le plan de Rolleston consistait à envoyer Lord Wakefield à la recherche de fonds chez un banquier de Paris, on pouvait présumer qu'Isabelle, gardée comme otage, serait traitée avec certains égards, du moins jusqu'au moment où Rolleston, la rançon payée, montrerait d'autres exigences. Mais à ce moment, ne serait-il pas là, lui, Simon? Ils avançaient dans une région toute différente, où il n'y avait plus ni sable ni vase, mais un plancher de roche grise, strié de petites lames dures et coupantes où nulle trace ne pouvait s'imprimer, et que ne mordait même point le fer des sabots. La seule chance d'information venait donc des rôdeurs que l'on rencontrait. Ils arrivaient de plus en plus nombreux. Depuis l'émersion de la Terre Nouvelle, 2 jours pleins avaient passé. On en était au 3e, et de toutes parts, de tous les points des provinces côtières, accouraient tous ceux que n'effrayait pas le risque de l'entreprise, les audacieux, les vagabonds, les cheminots, les braconniers, les casse-cou. Les villes détruites déversaient leur contingent de miséreux, de meurs de faim et de détenus échappés. Armés de fusils et de sabres, de gourdins ou de faux, Tous ces pirates avaient un air à la fois défiant et menaçant. Ils s'observaient les uns les autres, chacun d'eux jaugeant d'un coup d'œil la force de son voisin, prêt à sauter sur lui ou prêt à se défendre. Aux questions de Simon, à peine répondait-il en grognant. « Une femme attachée? Une troupe? Des chevaux? Pas vu cela. » Et il passait. Mais au bout de 2 heures, Simon fut très surpris d'apercevoir le costume bariolé de 3 hommes qui marchaient à quelque distance en avant, les épaules chargées de paquets que chacun d'eux tenait à l'extrémité d'un bâton. N'étaient-ce pas les Indiens d'Antonio? « Oui, » murmura Dolores, « c'est Forcetta et les frères Manzani. » Et comme Simon voulait les rejoindre, « Non, » dit-elle, sans cacher sa répugnance, « ce sont d'assez mauvaises têtes. Nous n'avons rien à gagner avec eux. » Mais il ne l'écouta pas, et leur cria dès qu'il fut à portée de voix. « Antonio est donc par ici ?» Les 3 hommes déposèrent leurs paquets, tandis que Simon et Dolores descendaient de cheval, et Forcetta, qui portait un revolver au poing, l'enfonça dans sa poche. C'était un grand gaillard bâti comme un colosse. « Ah, c'est toi, Dolores » dit-il après avoir salué Simon. « Ma foi, non, Antonio n'est pas par ici, on ne l'a pas retrouvé. » Il souriait, la bouche de travers, l'œil faux. « C'est-à-dire, reprit Simon, en montrant les sacs, que Manzani et vous avez cru plus simple d'aller à la chasse de ce côté ?»« Peut-être, » fit-il d'un ton narquois. « Mais le vieux professeur, Antonio, vous l'avez confié. » Nous l'avons perdu un peu après la reine Mary. Il cherchait des coquillages. Alors Manzani et moi, nous avons continué. Simon s'impatientait. Dolores lui coupa la parole. « Forcetta, » dit-elle gravement, « Antonio était votre chef. Nous avons travaillé tous les 4 ensemble. Il vous a demandé si vous vouliez venir avec lui et avec moi pour venger la mort de mon oncle. Vous n'aviez pas le droit d'abandonner Antonio. » Les Indiens se regardèrent en riant. On voyait que le droit, les promesses, les obligations, les devoirs de l'amitié, les règles établies, les convenances, tout cela était devenu subitement pour eux des choses qu'ils ne comprenaient plus. Dans l'immense chaos des événements, au centre de la Terre Vierge, rien ne comptait que l'assouvissement des appétits. C'était une situation nouvelle, qu'ils ne discernaient pas, mais dont ils s'empressaient de tirer les conséquences sans même les discuter. Les frères Manzani reprirent leur paquet. Forcetta s'approcha de Dolores et la regarda un moment sans rien dire, avec des yeux qui brillaient entre les paupières à demi closes. Son visage marquait à la fois de l'hésitation et un désir brutal, qu'il ne cherchait pas à dissimuler, de saisir la jeune femme comme une proie. Mais il se contint, et ramassant son sac, il s'éloigna avec ses compagnons. Simon avait observé la scène en silence. Ses yeux rencontrèrent ceux de Dolores. Elle rougit un peu et murmura. Auparavant, Forcetta était un camarade respectueux. L'air de la prairie, ainsi que vous le dites, agit sur lui comme sur les autres. Autour d'eux, une couche de varech et d'algues desséchées, sous laquelle le câble disparaissait sur une longueur de plusieurs kilomètres, formait une série de ballonnements. Dolores décida qu'on y ferait une halte et conduisit les chevaux à quelque distance pour que le voisinage ne gêne à point le repos de Simon. Or, il arriva que celui-ci, s'étant allongé sur le sol et ayant cédé au sommeil, fut assailli, bâillonné, réduit à l'impuissance, et lié sans avoir pu opposer la moindre résistance à ses agresseurs. C'étaient les 3 Indiens qui revenaient à la charge. Forcetta s'empara de son portefeuille et de sa montre, vérifia la solidité des cordes, puis, à plat ventre, encadré des 2 Manzani, rampa sous les algues et les varechs vers l'endroit où la jeune femme soignait les chevaux. À plusieurs reprises, Simon aperçut leurs corps souples qui ondulaient comme des reptiles. Dolores, occupée autour des sacoches, leur tournait le dos. Aucune inquiétude ne lui annonçait le danger. Vainement, Simon se raidissait contre ses liens et proférait des appels qu'étouffait le bâillon. Rien ne pouvait empêcher que les Indiens n'atteignissent leur but. Le plus jeune des 2 frères, Manzani, fut le plus rapide. Tout à coup, il bondit sur Dolores et la renversa, tandis que son frère sautait sur un des chevaux que Forcetta tenait l'autre par la bride et ordonnait d'une voix rauque et triomphante « Soulève-la, enlève-lui sa carabine. Bien, apporte-la ici, on va l'attacher. » Dolores fut placée en travers de la selle. Mais au moment où Forcetta déroulait une corde qu'il avait autour de la taille, elle se dressa sur l'encolure même de la bête, domina le jeune Manzani et, levant le bras, le frappa de son poignard en pleine poitrine. L'Indien tomba comme une masse sur Forcetta et lorsque celui-ci se fut dégagé et qu'il voulut à son tour reprendre la lutte, Dolorès était déjà devant lui et à bout portant le menaçait de sa carabine qu'elle avait ramassée. « Va-t'en, » dit-elle. « Toi aussi, Mazzani, va-t'en. » Mazzani obéit et s'enfuit au galop. La figure, convulsée de rage, forçait à reculer à pas mesurés, emmenant le second cheval. Elle commanda. « Laisse-le, Forcetta, et tout de suite, sinon je tire !» Il lâcha la bride, puis, 20 pas plus loin, tournant le dos brusquement, il se sauva à toutes jambes. Plus que l'incident lui-même, simple fait divers dans la grande tragédie, ce qui remua Simon, ce fut l'extraordinaire sang-froid qu'avait montré la jeune femme. Lorsqu'elle vint le délivrer, ses mains étaient glacées et ses lèvres frissonnantes. « Il est mort, » balbutia-t-elle. « Le plus jeune Mazzani est mort. »« Il fallait bien vous défendre, » dit Simon. « Oui, oui, mais tué. Quelle horreur. J'ai frappé instinctivement, comme au cinéma. Voyez-vous cette scène, tous les quatre? Nous l'avons répétée plus de 100 fois, les Mazzani, Forcetta et moi. Comme elle s'est passée, avec le même enchaînement des gestes et des paroles, jusqu'au coup de poignard. C'est le petit Mazzani lui-même qui me l'avait apprise, et il me disait souvent « Bravo, Dolores, si jamais tu joues la scène de l'enlèvement dans la réalité, je plains ton adversaire. »« Dépêchons-nous, » dit Simon. « Il est possible que Mazzani veuille venger son frère, et un homme comme Forcetta ne renonce pas. » Ils continuèrent leur route et rejoignirent le câble. Simon marchait à pied sur la même ligne que Dolores. En tournant un peu la tête, il voyait son visage sombre couronné de cheveux noirs. Elle avait perdu son grand feutre, ainsi que son boléro qui était resté sur la selle du cheval dérobé par Mazzani. Une chemisette de soie modelait son buste, sa carabine lui barrait les épaules. De nouveau, la région de pierres striées s'étendait à l'infini, peuplée des mêmes épaves et traversée par les silhouettes errantes des pirates. Au-dessus, les nuages. De temps à autre, le ronflement d'un avion. À midi, Simon calcula qu'il leur restait 5 ou 6 lieues à faire et qu'ainsi il pourrait atteindre Dieppe avant la nuit. Dolores, qui avait mis pied à terre et marchait comme lui, déclara « Nous, oui, nous arriverons. Le cheval, non, il tombera auparavant. »« N'importe, » dit Simon, « l'essentiel est que nous arrivions. » Le roc se mêlait maintenant à des parties de sable où reparurent des traces de pas, entre autres les traces de 2 chevaux qui allaient à leur rencontre le long du câble. « Nous n'avons pourtant pas croisé de cavalier, » observa Simon. « Qu'en pensez-vous ? » Elle ne répondit pas, mais un peu plus tard, comme il parvenait au haut d'une pente, elle lui montra une large rivière qui se mêlait à l'horizon et leur barrait le passage. De plus près, ils virent qu'elle coulait de leur droite à leur gauche, et de plus près encore, elle leur rappela celle qu'ils avaient quittée le matin. Même couleur, même rive, même courbe. Déconcerté, Simon examina les environs afin de découvrir quelque chose qui différa. Le paysage se reconstituait identique, dans son ensemble comme dans ses détails. « Qu'est-ce que cela signifie ? » murmura Simon. « Il y a là un mirage inexplicable, car enfin, il est impossible d'admettre que nous ayons pu nous tromper. » Mais les preuves de l'erreur commise se multipliaient. La piste des 2 chevaux les ayant éloignés du câble, ils descendirent jusqu'à la berge du fleuve et là, sur une esplanade marquée par les vestiges d'un campement, ils durent reconnaître l'endroit où ils avaient passé la nuit précédente. Ainsi, par une distraction funeste, à la suite de l'attaque des Indiens et de la mort du jeune Mazzani, tous deux troublés, désorientés, s'en rapportant à la seule indication qu'ils eussent eue jusqu'alors, ils avaient rejoint le câble sous-marin, et quand ils s'étaient remis en route, rien, aucun point de repère, ne leur avait révélé qu'ils le suivaient en contresens, qu'ils refaisaient le chemin déjà fait, et qu'ils s'en retournaient, après un effort épuisant et stérile, vers le lieu même qu'ils avaient quitté quelques heures auparavant. Simon eut un moment de défaillance. Ce qui n'était qu'un retard fâcheux prit à ses yeux l'importance d'un événement irréparable. Le cataclysme du 4 juin avait rejeté ce coin du monde en pleine barbarie, et il fallait pour lutter contre les obstacles des qualités qui n'étaient pas les siennes. Alors que les rôdeurs et les irréguliers se trouvaient du coup adaptés à ce nouvel état de choses, lui cherchait vainement des solutions aux problèmes que lui posaient des circonstances exceptionnelles. Où aller ? Que faire ? Contre qui se défendre ? Comment secourir Isabelle ? Aussi perdu sur la terre nouvelle qu'il eût été dans l'immensité de la mer, il remonta le cours du fleuve, en suivant d'un œil distrait la trace de 2 pistes qui marquaient le sable, humide à certaines places. Il reconnaissait les empreintes laissées par les sandales de Dolorès. « Inutile d'aller de ce côté, dit-elle. Ce matin, j'ai exploré tous ces terrains environnants. » Il continua cependant contre le gré de la jeune femme et sans autre but que celui d'agir et de se mouvoir. Et ainsi, au bout d'un quart d'heure, il aboutit à un endroit où la berge était piétinée et boueuse comme les bords d'une rivière au sortir d'un gué. Il s'arrêta soudain. Des chevaux avaient passé par là. On voyait la marque de leurs sabots. « Oh ! » fit-il avec stupeur. « Voici la piste de Rolston. Voici le dessin traîné de ses semelles en caoutchouc. Est-ce possible ?» Presque aussitôt, son enquête se précisa. 50 mètres plus haut, il y avait toutes les traces encore fraîches d'un campement, et Simon prononça « Évidemment, évidemment, c'est ici qu'ils ont abordé hier soir. Comme nous, ils avaient dû fuir devant la crue soudaine des eaux, et comme nous, ils ont campé sur le revers d'une colline. « Ah » ajouta-t-il avec désespoir, « nous n'étions pas séparés d'eux par plus de 1000 ou 1200 mètres. Nous aurions pu les surprendre en plein sommeil. N'est-ce pas effroyable de penser que rien ne nous avertit et qu'une pareille occasion ?» Il s'était accroupi, se pencha et durant quelques minutes examina le sol. Puis il se releva, ses yeux rencontrèrent ceux de Dolorès et il lui dit à voix basse « Il y a une chose extraordinaire. Comment expliquez-vous ?» Le visage brun de la jeune femme s'était empourpré de sang et d'avance il vit qu'elle devinait ce qu'il allait lui dire. « Vous êtes venu ici ce matin, Dolorès, pendant que je dormais. Plusieurs fois vos pas recouvrent ceux de vos ennemis, ce qui prouve que vous êtes venu après leur départ. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit ?» Elle se taisait, les yeux toujours fixés sur Simon, son visage grave animé d'une expression où il y avait du défi et de la crainte. Brusquement, Simon lui empoigna la main. « Mais alors vous saviez la vérité. Dès ce matin, vous saviez qu'ils s'étaient éloignés le long du fleuve. Tenez, par là, on voit leur piste qui s'en va vers l'Orient. Et vous ne m'avez rien dit. Bien plus. Mais oui, le câble, c'est vous qui me l'avez indiqué. C'est vous qui m'avez lancé dans la direction du sud, vers la France. Et c'est à cause de vous que nous avons perdu presque une journée. » Tout contre elle, son regard rivé au sien, tenant entre ses doigts les doigts de la jeune femme, il reprit. « Pourquoi avez-vous fait cela? C'est une trahison qui n'a pas de nom. « Dites, pourquoi? Vous n'ignorez pas que j'aime Miss Bakefield et qu'elle court le danger le plus terrible et qu'une journée perdue, c'est pour elle le déshonneur, la mort. Alors, pourquoi avez-vous fait cela ?» Il garda le silence. Il sentait que sous son apparence, impassible comme d'habitude, la jeune femme était bouleversée d'émotion et qu'il la dominait de toute sa puissance d'homme. Les genoux de Dolorès fléchissaient. Il n'y avait plus en elle que soumission et que douceur. Et nulle réserve ne pouvant, dans les circonstances exceptionnelles où il se trouvait, atténuer ses aveux et entraver son élan, elle murmura. « Pardonnez-moi. Je ne me suis pas rendu compte, et n'ai pensé qu'à vous, et à moi. Oui. Dès le premier instant de notre rencontre, l'autre jour, j'étais entraîné par un sentiment plus fort que tout. Je ne sais pas pourquoi. C'est votre façon d'agir, votre délicatesse. Lorsque vous avez jeté votre veste sur mes épaules, je ne suis pas accoutumé à ce qu'on me traite ainsi. Vous m'avez semblé différent des autres. Le soir au casino, votre triomphe m'a grisé. Et depuis, toute ma vie s'en va vers vous. Je n'ai jamais éprouvé cela. Les hommes sont durs avec moi, violents, terribles. Ils me poursuivent comme des brutes. Je les déteste. Vous, c'est autre chose. Je me sens près de vous comme une esclave. Je voudrais vous plaire. Chacun de vos gestes me ravit. Près de vous, je suis heureuse, comme je ne l'ai jamais été au monde. » Elle se tenait inclinée devant lui et baissait la tête. Simon demeurait confondu devant l'expression de cet amour spontané, que rien ne lui avait laissé prévoir, et qui était à la fois si humble et si ardent. Il en était offensé, dans sa tendresse pour Isabelle, comme s'il eût commis une faute en écoutant la jeune femme. Cependant, elle lui parlait si doucement, et c'était si étrange de voir cette belle et fière créature se courber avec un tel respect, qu'il ne pouvait se défendre d'une certaine émotion. « J'aime une autre femme, » répéta-t-il, pour bien dresser entre eux l'obstacle de cet amour, « et rien ne peut nous séparer, elle et moi. » « Oui, dit-elle. Tout de même, j'espérais. Je ne sais pas quoi. Je n'avais pas de but. Je voulais seulement que nous soyons seuls, tous deux, le plus longtemps possible. Maintenant, c'est fini. Je vous le jure. Nous rejoindrons Miss Bakefield. Laissez-moi vous conduire. Il me semble que je saurai mieux que vous. Était-elle sincère? Comment allier cette offre de dévouement avec la passion qu'elle avait confessée? Il le lui dit. Qui me prouve? Qui vous prouve ma loyauté? Dit-elle. L'aveu complet du mal que j'ai fait et que je veux réparer. Ce matin, quand je suis venue, seule, ici, j'ai cherché à terre un peu partout s'il ne restait rien qui pût nous renseigner. Et j'ai fini par découvrir, sur le bord de cette pierre, un bout de papier sur lequel on avait écrit. « Vous l'avez ?» s'écria Simon vivement. « Elle a écrit Miss Bakefield, n'est-ce pas ?»« Oui. »« À mon adresse, évidemment ?» reprit Simon avec une excitation croissante. « Il n'y a pas d'adresse. » Mais ces lignes, en effet, furent écrites pour vous, comme celles d'hier. Les voici. Elle tendit un morceau de papier humide et froissé où il put lire, griffonné à la hâte, ces mots de l'écriture d'Isabelle. Direction Dieppe abandonnée. Ils ont entendu parler d'une source d'or, une vraie source jaillissante, paraît-il. Nous allons de ce côté. Aucune inquiétude pour le moment. Et Dolores ajouta. Ils sont partis avant même le lever du jour en remontant le fleuve. Si ce fleuve est bien la Somme, nous devons supposer qu'ils l'ont traversé quelque part, ce qui les a ralentis. Donc, nous la retrouverons, Simon.